suis un pain cachard. On est tous pauvres terriens. Un petit tour et puis ça va. Et pocheron encore une guerre. Un petit whisky pour la route. Je te jure, c'est la dernière. Sur la tête de ma biroute. On est tous des têtes de nœuds. Certains sont des têtes de cons. Ça va mieux quand on est deux. On peut se boire des canons. Des pocherons, encore une guerre. Plus un trip pour les neurones. On est tous entre deux verres. C'est parfait pour la déconne. Alcoolo par vocation. Imbibé dès le matin. Défoncé par conviction. Je suis punk, c'est mon destin. Je te jure, c'est la dernière. La prochaine sera fatale. On est tous des alcooliques. Nous, ce qu'on aime, c'est la bibine. Amoureux de la barrique. On tire tous sur la tétine. Et pocheron, encore un verre. Un petit dernier pour la route. Et pocheron, c'est la galère. Y'a plus de pire, c'est la déroute. On va chier dans notre vomi. Les gonzesses, elles adorent ça. Avec nous, c'est le paradis. À la tienne, c'est de la vodka. Et pocheron, encore une guerre. Plus un trip pour les neurones. On est tous entre deux verres. C'est parfait pour la déconne. Alcoolo par vocation. Imbibé dès le matin. Défoncé par conviction. Je suis punk, c'est mon destin.